Mardi 5 février, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30. Cette semaine encore une émission, ma foi, fort chargée, bien rythmée, comme on les aime. En deuxième partie d'émission, Lisanne Nadeau viendra nous entretenir au sujet de l'exposition Platinum Resonant Records de Gordon Monahan qui est présentée à la Galerie des Arts Visuels dans le cadre du mois multi 14. Fanny Hénon-Lévy viendra nous parler de son expérience des expositions Nuit Sauvage et Gaze de Michael Floman, expositions qui sont présentées à vue et à la bande vidéo. Également, on discute avec Guillaume Clermont autour de son exposition Cache-Cache Black Box qui est présentée au 36. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse. Et cette semaine, Simon Roy nous fait découvrir le nouvel album d'Éric Dorion. Bonjour Simon. Oui, bonjour. Un album qui est vraiment loin du domaine des licornes puis des arcs-en-ciel. Donc, On n'est pas dans le monde des Kalinours du tout. Non, c'est pas vraiment le style d'Éric Dorion. C'est son tout nouvel album, Kursk. Donc, ça réfère à la bataille de Kursk qui s'est déroulée en 1943 entre l'Union soviétique puis les Allemands. Donc, une bataille vraiment sanglante. Puis, ben, ça réfère aussi aux sous-marins russes. On se souviendra en 2000 qui avait coulé. Puis, les Russes avaient refusé l'aide des Britanniques, des Norvégiens. Donc, ça met un peu l'album en place. Un album vraiment merveilleux. Moi, je recommande. Souvent, je dis aux auditeurs d'écouter les albums avec des écouteurs. Mais cette fois-ci, je pense que ça prend un cinéma maison. C'est une expérience. Ah ouais? C'est vraiment un album, pour moi, en tout cas, qui est physique. Ça fait un bon massage des organes internes. C'est vraiment excellent. Ça a été publié par Éric Dorion sur Bandcamp. Donc, directement, je pense que les étiquettes étaient un peu frileuses envers son album. Donc, il s'est pas empêché. Il a publié lui-même sur Bandcamp. C'est fait notoire aussi, l'album, la pochette a été faite par Martin Bureau, donc vraiment une belle pochette. Il y a aussi chaque pièce a une œuvre de Martin Bureau. Il y a eu aussi une collaboration avec Nicolas Bernier, Robin Fox, puis Martin Tétrault, donc des gros canons pour un album vraiment excellent, l'album Kursk. Et Simon, tu nous as choisi quatre pièces, donc quatre extraits. Qu'est-ce qui a guidé ton choix? Il n'y a pas une pièce que je préfère. Je pense que ça a été la durée, parce que c'est des pièces quand même assez longues. Donc, j'ai pris les pièces les plus courtes. OK, pour que ça s'adapte mieux au format radiophonique, bien entendu. Oui, c'est ça. Il y a quand même une pièce qui dure 15 minutes, Bad Lieutenant. Fait que ça passe assez mal à la radio, mais c'est ça va vous donner un bon aperçu de l'album à écouter très fort. Voilà. Ben Simon Roy, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et on t'écoute dimanche soir à Web Musique. On s'en va en pause audio. On écoute tout de suite un extrait. C'est Becquerel sur les ondes de CKRL. C'était un extrait de l'album Kursk d'Éric Dorion. C'est vraiment tout nouveau. Je crois que c'est sorti la semaine dernière ou l'autre d'avant, là, mais maximum, c'est tout frais et on vous le fait écouter à l'aérospatiale. D'ailleurs, si vous voulez trouver les liens pour le téléchargement de l'album, il faut aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Simon va vous mettre ça, là, je crois, juste après l'émission ou dans la soirée ou très, très, très éminemment. Vous savez que le téléchargement est gratuit. Également, ben, sur le site de l'émission, la revue de presse de Raymond Poirier que j'accueille à l'instant. Bonjour Julie. Et plusieurs nouvelles cette semaine, notamment une nouvelle revue qui va être lancée très prochainement du côté de Montréal. En fait, une revue qui est consacrée au dessin actuel dans ses déclinaisons les plus diverses et évidemment les plus actuelles. En fait, on avait l'impression que c'était un des éléments peut-être qui manquait dans le panorama des revues d'art. Donc, c'est vrai que le dessin vraiment est revenu en force là, depuis plusieurs années. Exactement, et peut-être à cause notamment du prix associé au médium, peut-être un peu plus accessible notamment pour les collectionneurs et également ben, pour les possibilités de ce médium-là également. L'idée est venue en fait aux organisateurs du projet en feuilletant une revue qui s'appelle Fakt qui est publiée à Berlin et se demandait ben, pourquoi on n'en a pas nous au Québec. Alors voilà qui sera chose faite à un premier numéro de cette revue baptisée HB qui sera disponible prochainement. Alors ce sera à suivre évidemment, voir s'il y aura notamment aussi distribution à Québec de ce magazine montréalais. On ose espérer. On ose espérer. Et parlant de Québec, petite mention, en fait, on en parle dans différents médias. Il y a un projet qui va être lancé du côté du Musée de la Civilisation pour essayer de trouver des manières de mettre en valeur leur collection. Mais grâce aux technologies, ils vont faire un truc qui s'appelle Muséomix. Donc l'idée est de rassembler des gens, historiens de l'art, muséologues, type de technologie également, pour essayer de créer en 3 jours des applications pour justement faire de la... vulgarisation du patrimoine ou de la médiation culturelle. Alors, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qu'en ressortira. Le projet a été annoncé la semaine dernière, devrait avoir lieu en novembre prochain. On le met dans pile, On le met dans la pile. Et une pile qui s'épaissit quand même de semaine en semaine. Vraiment, c'est qu'on rare se met qu'on réussit à en enlever des dossiers. C'est le roman du quotidien. Oh, voilà. Magnifique. Et d'ailleurs, parlant d'éléments quotidiens, parfois on est appelé à aller à Montréal et on m'a toujours dit, mais il y a beaucoup de trucs dans le métro qui sont beaux et qui sont artistiques et contemporains de différentes époques. Et je suis tombé sur un article qui a été publié du côté de la presse. L'hyperlien, comme tu disais, va être d'ici demain là, sur l'aérospatiale.wordpress.com qui détaille justement les principales stations, les highlights, si on me permet l'anglicisme, du trajet de métro à Montréal avec les œuvres qui sont à voir et à surveiller. Je trouvais ça intéressant. Moi, je me suis mis ça en banque pour la prochaine fois que j'irai faire un tour à Montréal. Pourquoi pas? Et sinon, on cherche plein de nouvelles manières pour aller attirer du public dans les expositions. Je crois qu'elle va être drôle, celle-là. Vraiment. Oui, celle-là est cocasse. Parce que j'aimais ta gestuelle et ton ton très joyeux. En fait, c'est un artiste qui s'appelle Thomas Georgeson qui a misé sur le goût du lucre pour attirer les visiteurs dans la galerie londonienne où il expose. Il a annoncé au travers des médias qu'il avait caché un chèque en blanc de 8000 livres, donc peut-être autour de 10 000 $ dans son exposition, à quelque part dans son exposition, et qui invitait quiconque à aller voir son expo et à essayer de trouver le chèque. Donc ça a été lancé la semaine dernière. Il y a personne jusqu'à présent qui avait réussi à trouver le chèque. Si personne le trouve d'ici le 1er mars, ben l'artiste va garder son 10 000 $. Alors, l'objectif, évidemment, c'est d'amener les gens à voir son travail et de donner une volonté additionnelle, peut-être, au public là, de se rendre à la galerie. Ouais, quand même, espérons que le public va aussi apprécier l'exposition et non seulement chercher le chèque frénétiquement. Exactement, j'imagine, j'ose espérer que c'est ce qui va se passer. Et évidemment, bon, la nature humaine nous dira si... Ben, tout le moins, le nom de l'artiste va circuler. Exactement. Et sinon, dernier petit clin d'œil, on en parle dans un magazine qui s'appelle Art Culte, qui est consacré au marché de l'art. En fait, c'est l'éditeur en chef qui soulève des questions parce qu'il dit, regardez, il y a peut-être un non-sens à voir le marché de l'art rester aussi élevé pour certains artistes dans une période financièrement difficile. Et lui... estime que peut-être et fort possiblement des combines et des astuces des maisons de vente pour essayer justement de maintenir le marché au plus haut, donc pour pour reprendre une expression qu'il utilise, pour faire monter les enchères dans le vide et dire regardez, c'est devenu une pratique courante dans les ventes, et ce dans le but d'inciter des amateurs à surenchérir sans que ceux-ci se doutent un seul instant du stratagème du manieur de marteau qui se lance de cette manière dans un jeu de bonneteau plutôt discutable. Alors, il se questionne donc sur les pratiques des maisons de vente et de facto, mais sur la santé réelle du marché de l'art international et sur la valeur réelle de ce qui est vendu également. Alors, l'article, évidemment, qui sera en lien sur notre blog. C'est vraiment triste, hein, quand même, là, de se faire de l'argent comme ça sur le dos des amateurs, puis en les manipulant. Là. Oui, puis en faisant croire, dans le fond, que les choses valent plus que ce qu'elles valent réellement, ou en faisant croire qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer très cher, alors que finalement, il n'y a pas nécessairement tant d'enchères et tant de demandes que ça. Ben, en même temps, tu sais, les gens vont payer, en tout cas, c'est comme une bulle, là. Pas une bulle, mais un cercle vicieux. Mais Raymond Poirier, merci. Ça me fait plaisir. Vendredi, 17h30, La vie en BD? Oui, une grande rencontre éditoriale avec l'éditeur de La Pastèque, Frédéric Gauthier. Voilà, donc c'est à ne pas manquer. On s'en va en pause audio. On écoute Steam and Speed d'Éric Dorion. Au retour, on discute avec Guillaume Clermont. Toujours à l'aérospatiale, c'était un extrait de l'album d'Éric Dorion, Kursk. D'ailleurs, je vous répète que vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, l'émission est disponible en balado-diffusion si vous en avez manqué un bout, ou si vous avez tellement aimé passionnément que vous voulez la réécouter au complet, ben il nous fera plaisir que vous veniez le faire sur notre site Internet. On s'en va dans le Vieux-Québec, à la Galerie Le 36. Ça faisait un certain temps qu'on n'en avait pas entendu parler. Et pour sa première exposition de l'année, elle présente Cache-Cache Black Box, une exposition de Guillaume Clermont, qui est justement là pour en discuter avec nous. Bonjour, Guillaume. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Est-ce que c'est possible, dans un premier temps, de nous présenter ton exposition de manière générale? OK, donc, comme vous le savez peut-être, la Galerie 36 se divise en deux espaces, une sorte de pièce double. Donc, dans le premier espace, on retrouve un grand tableau donc, qui doit faire 8 pieds et demi de haut, qui est de format losange, sur lequel on retrouve un tissu fleuri. Et dans le deuxième espace, on a deux plus petits tableaux. Un tableau qui se retrouve sur la cheminée, qui est une sorte de portrait de clown, et un autre tableau qui devant le mur de la cheminée est plutôt un monochrome noir, aussi de format losange, mais cette fois-ci beaucoup plus petit. Et dans deux de ces tableaux-là, en fait, les deux premiers, on peut voir ou apercevoir un crâne, un crâne que tu réutilises depuis un certain temps dans ta production. Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser ce crâne-là, en fait? En fait, ce crâne-là est quand même, on va dire, particulier parce que moi, je l'ai emprunté à un peintre flamand du 16e siècle qui se nomme Jean Gossard. Ce crâne-là, ben, je l'ai découvert pendant un voyage d'études à l'École des Beaux-Arts de Marseille et je suis resté un peu, subjugué ou très, très frappé par cette image-là parce que, bon, il s'agit évidemment, comme vous l'avez dit, d'un crâne, mais c'est un crâne dont la mâchoire était disloquée. Ouais. Et le fait que cette mâchoire-là, bon, le geste est assez violent, de disloquer une mâchoire, même sur un crâne, ça me paraissait un geste violent, mais je trouvais qu'il y avait que ce crâne-là incarnait peut-être certaines préoccupations que j'avais à l'époque et que j'ai toujours au niveau peut-être certaines difficultés du discours, que ce soit du discours en art, du discours philosophique ou tout simplement du discours d'essayer d'exprimer, de dire des choses et de pas toujours être capable de le faire. Oui, comme quoi, des fois, par le biais du langage ou par le biais des médiums, on peut pas parvenir à exprimer clairement les choses. Donc, ce serait une sorte de métaphore, finalement? Je sais pas si c'est une métaphore, mais c'est certainement, on va dire, une sorte de matrice qui a par la suite influencé mon travail, dans la mesure où, voilà, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec le discours, les ambiguïtés du discours, la difficulté de parfois communiquer clairement des idées ou tout simplement de tenir un discours. Excuse-moi. J'allais dire, bon, finalement, c'est un motif qui depuis cette première rencontre-là à l'école à Marseille, est resté dans mon travail. Donc, depuis 2004, je travaille à partir de ce motif-là. Voilà. Et puis, ce crâne-là, en fait, il est toujours présenté dans les mêmes dimensions. Oui, ben en fait, moi, j'ai pris le parti, bon, souvent, lorsqu'il s'agit de nature morte, les éléments peints dans le tableau sont à taille réelle. Donc, évidemment, ce tableau-là, où on retrouve le crâne, bon, le crâne est à taille réelle, et moi, j'ai décidé de reproduire ce crâne que j'emprunte là, à Jean Gossard, toujours aux mêmes dimensions, aux dimensions originales, mais aussi aux dimensions taille réelle. Donc, c'est vraiment la grandeur d'un crâne humain, en fait. OK. Puis, dans le fond, bon, Jean Gossard avait probablement fait une vanité. Bon, les crânes, habituellement aussi, c'est associé aux vanités, mais toi, tu t'intéresses aux mécanismes de ce genre-là. C'est quoi pour toi ces mécanismes-là? Comment est-ce qu'ils t'inspirent? Bien, en fait, je parle de mécanismes dans la mesure où, bon, les vanités, on l'oublie peut-être parfois, mais historiquement, ce sont c'est un genre de peinture qui est très moralisateur, qui a comme but, bon, c'est tiré d'un des versets de la Bible qui dit que toutes les choses sont vanité que vanité. Et au fond, moi, ce qui m'intéresse, on va dire, c'est le côté formel des vanités, non pas leur aspect moralisateur. C'est en ce sens-là que je dis que je m'intéresse à leur mécanisme. Et pas nécessairement, c'est ça, ce côté moralisateur-là. Parce que je crois pas qu'aucune de mes œuvres essaie d'être moralisatrice, là. Puis le crâne, je reviens encore au crâne, mais tu dis que le crâne, bon, c'est l'élément structurant de tes œuvres, qu'il soit présent ou absent. Comment il est justement structurant? Ce que je veux dire, c'est que il s'agit d'une matrice. Donc évidemment, dans mon travail de peinture, dans mon travail de dessin, c'est un motif qui est toujours présent. Donc dans chacun de mes tableaux, il y aura toujours ce crâne à la mâchoire disloquée, et idem pour beaucoup de mes dessins. Cependant, je fais aussi de la sculpture, je fais des installations, et il arrive que ce crâne-là, ben, il soit pas présent. Par contre, en tant que matrice, en tant que, on va dire, dislocation originelle, il est tout de même là. Donc mes œuvres vont s'inspirer beaucoup de ce, je parlais plutôt du la difficulté d'exprimer parfois clairement des idées ou d'avoir un discours qui tient juste du langage. Bon, voilà, c'est repris de d'autres façons. Donc même si parfois le crâne est absent, il demeure là en tant que matrice, si on veut, ou structure derrière les œuvres. Si on vient justement dans le cadre peut-être un peu plus de l'exposition, l'exposition s'appelle Cache-Cache Black Box. Est-ce que c'est justement le crâne qui joue à Cache-Cache? Mais je pense qu'ici, il y a plusieurs choses qui... on va dire que le cache-cache, que oui, c'est peut-être un peu le crâne, mais c'est également peut-être l'artiste qui joue cache-cache avec le spectateur dans ses intentions, dans ce qu'il désire exprimer au spectateur. Donc c'est vraiment une sorte de... Je pense que dans le communiqué de presse, je suis assez croisé, là, je joue un peu avec ça, entre ce qui est ce qui est montré, ce qui n'est pas montré, ou ce qu'on pense avoir vu ou qu'on n'a pas vu dans l'exposition. Comme si, dans le fond, tu avais un peu envie que la signification glisse, qu'on soit pas certain, puis qu'on fasse un jeu de correspondance? Ben, en fait, je pense que je prends toujours un malin plaisir à laisser un peu... ouais, soit glisser le sens ou à fuir le sens, mais sachant toujours pertinemment que le sens revient inévitablement là. Et dans le communiqué, en fait, de ton exposition au 36, tu dis que tu réfères à certaines positions radicales de la modernité. À quelle position spécifiquement tu réfères? En fait, je suis tout à fait sûr que je parle de radicalité en modernité. Je fais surtout écho à... On pourrait appeler l'héritage du Champien de certains mouvements des années 60-70, donc soit l'art minimaliste, l'art conceptuel, le pop art. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie, on va dire, influence du Champ, de Duchamp dans ces mouvements-là. Donc, bon, on sait que Duchamp était, on va dire, primordial pour l'art contemporain dans les 100 dernières années, mais c'est, même si son activité artistique a été plutôt... concentré au début du 20e siècle. On va dire que ces influences sont plutôt ont eu des répercussions plutôt dans les années 60-70, même s'il y en avait à son époque, mais quand même, c'est plutôt à beaucoup plus tard que son influence s'est fait sentir. Et bon, c'est ce qui m'intéresse, donc, entre autres, la présence du banal et du populaire dans l'art, l'importance du concept qui doit primer sur la représentation, donc l'idée avant l'image, et aussi, bon... Une dérivée de ça, c'est peut-être la relation qu'il peut y avoir entre une œuvre et son contexte de présentation ou son environnement. Parlant d'œuvres, justement, de contexte de présentation, il y a deux des œuvres, je pense, sur les trois, qui sont en losange. Un losange que tu utilises aussi depuis un certain temps. Pourquoi cette forme-là, justement, pour renouveler comme un peu ton vocabulaire? Ou... Ben, je dois dire que ça, c'est... l'utilisation du losange est venue après avoir vu, il y a quelques années déjà, ça a pris du temps avant que je l'intègre dans mon travail, mais j'avais fait l'expérience d'un tableau de Tousignon au Musée d'art contemporain de Montréal qui s'appelle Losange, Coudrier-HF. Et c'est une peinture gigantesque. Ça doit être, je pense, 3,50 m au moins de haut. Et c'est justement une immense losange, un monochrome rouge qui est posé sur sa pointe. Et j'avais été assez surpris de ce... Encore une fois, c'est une expérience marquante pour moi. Et j'ai repris cette forme-là dans une série de tableaux que j'ai débuté en 2011 et qui s'intitulait « Try Blue, It's the New Red ». Donc, c'était une série de monochromes, toujours en forme losange, et sur lequel il y avait un crâne qui se perdait dans l'infini, dans le champ de couleurs. Et là, donc... Oui, allez-y. Non, vas-y. Donc, pour le tableau... au 36, j'ai repris ce format-là, le dérivé de cette série-là. Et c'est une façon... Moi, j'avais l'impression que le losange était peut-être la forme idéale pour... losange carré, bien sûr, la forme idéale pour le monochrome. Mais bon, là, ça, c'est des intuitions de peintre, là. C'est pour ça que ça m'avait marqué. Donc, j'ai réutilisé pour cette exposition. Dans ce cas-ci, on n'est pas dans un monochrome parce que le crâne est vraiment peint dans le bas à gauche d'un grand tissu floral, en fait, même à la limite, le crâne, il se perd dans ce tissu décoratif-là. Oui, c'est ça. Donc, ici, c'était une stratégie, ça découlait là, des champs de couleurs avec le crâne qui se perd dans le champ de couleurs. Ici, c'est-à-dire peut-être que je peux arriver un petit peu à la manière de... Je sais qu'Hans Holbein a peint un tableau qui s'appelle « Les ambassadeurs », dans lequel il y a une anamorphose dans le bas, et c'est un crâne étiré. Et là, selon l'angle de vue, on peut voir le crâne apparaître. Sinon, ça semble être une sorte de traînée de couleurs un peu ambiguë ou informe dans le bas du tableau. C'est un petit peu la même chose. Donc, évidemment, ici, il n'y a pas question d'anamorphose, mais le crâne finit par se perdre dans le motif fleuri du tableau. Et souvent, au premier coup d'œil, ben, il n'apparaît pas tout de suite. Ouais, d'où le titre aussi, « Cache-cache », là, on peut voir là-dedans. C'est un des éléments là, qui participe là, et qui joue comme ça. Là. Et bon, dans l'exposition, le losange, on le retrouve aussi dans le format du monochrome noir, mais également dans l'habit du portrait ben oui, de l'Arlequin Clown, là, où on peut revoir le losange. Là. Et d'ailleurs, le clown, justement, t'as carrément, de ce que j'ai eu l'impression, t'as peint le crâne, puis ensuite, par-dessus, t'as peint le visage du clown, parce qu'on voit un bout de la mâchoire là, qui lui sort de la bouche. Oui, voilà, donc c'est un autre jeu, c'était de mettre, bon, le tableau s'appelle Jack in the Box. Jack in the Box, c'est ce qu'on appelle en français un diable en boîte. Et c'est les petites boîtes avec les manivelles qu'on doit craquer. Normalement, il y a une sorte de, soit un clown, soit un petit diable qui sort, qui doit nous faire peur. Bon, c'est un peu la même, le titre, ou du moins la forme du tableau, ça, ce qui est représenté, venait un peu de cette idée-là, donc de peindre le crâne et de le peindre sous le maquillage du clown, mais en même temps lui faisant sortir la mâchoire déboîtée de son sourire de clown. Et évidemment, ce clown-là est quand même un petit peu étrange parce que on sait pas trop s'il est si un humain, un humanoïde, un animal, il a, disons, de drôles de traits. Oui, c'est ça, là, il perd un peu l'innocence de oui, sa voilà. fonction. Et puis, aussi, vas-y. Oui, je terminerai en disant que, en fait, l'Arlequin aussi a un motif, un peu comme le crâne que moi je peins, qui est un motif, un personnage de théâtre qui tire ses origines du 16e siècle. Et c'est une figure en peinture qui, selon les courants de peinture, a été assez présente. Donc, je pense qu'au 18e, c'était assez présent. Mais aussi, je sais que Picasso fait énormément d'Arlequin, mais il n'est pas le seul. Là, mais, oui. Ça, les arlequins ne sont pas nécessairement joyeux non plus. Hein. Il y a Watteau, je pense, qui faisait des arlequins aussi. Oui, c'est des personnages qui ont des personnalités un peu troublées. Là. Donc, voilà. Et dernier tableau en terminant, Black Box, c'est un monochrome noir, mais un petit monochrome. Mm-hmm. Ben, en fait, c'est un monochrome. Ça faisait longtemps que je voulais me travailler sur le monochrome noir. Là, je sais que... Bon, on va dire que la paternité du monochrome noir revient peut-être à Malevitch, mais bon, ça m'intéressait comme autre motif, dans la mesure où j'avais débuté un travail sur des formats losanges, et je me disais, bon, peut-être que le carré noir, je peux le jouer en losange, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, j'avais peint ce tableau-là en voyage d'études l'année dernière, et j'ai décidé, c'est à partir de ce tableau-là, en fait, que j'ai construit l'exposition 36, là. Donc à partir de ce monochrome-là qui fait 40 cm par 40 cm, donc il est vraiment beaucoup plus petit que l'autre. J'ai élaboré, on va dire, la stratégie de l'exposition et les différents raccords qu'on peut poser, oui. Dernière question, en terminant, il nous reste peu de temps. Tu l'as situé quand même assez haut, tu l'as exposé absolument pas à hauteur des yeux, pourquoi? Hein? En fait, c'était encore une fois pour... Chacun des tableaux dans l'exposition incarne peut-être je sais pas si on peut dire un type de peinture ou par exemple le tableau losange qui repose sur sa pointe, bon, on le sent vraiment comme un objet dans l'espace, mais en même temps à cause du motif et du tissu fleuri, bon, on sent aussi que c'est pas complètement un objet, c'est peut-être aussi un tableau. Ils ont tout le temps des ambiguïtés comme ça. Et le tableau noir, bon, j'ai voulu le poser plus haut. Bon, aussi, entre autres, en référence à Malevitch, parce que son carré noir, lui, il exposait en hauteur quand même. Bon, lui, la différence, c'était sur un coin de mur. Mais tout de même, c'était de jouer l'espace de la galerie, de donner différentes... possibilité à ces tableaux-là. Donc, le tableau de clown est davantage une image plus conventionnelle. Le tableau noir, dans son cas, est un petit peu entre l'objet et l'image traditionnelle, à cause de sa position, mais aussi à cause de sa, on va dire, non-représentation ou de sa représentation qui est simplement celle d'un espace noir. Eh bien, Guillaume Clermont, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Et on s'en va. Ben, je répète, en fait, l'exposition Cache-Cache Black Box est présentée au 36 jusqu'au 17 février. On n'oublie pas que le 36 est ouvert du vendredi au dimanche de 14h à 17h. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Fanny Hénon-Lévy qui nous parle de l'exposition de Michael Floman. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. lebaldulezard.com. Le 9 février à 14h, le Palais Montcalm vous invite gratuitement à découvrir le meilleur de la musique contemporaine avec le téléphone bien tempéré. Grâce à la sonnerie de votre cellulaire, participez à la création d'une œuvre musicale inspirée de Bach. Un événement musical inusité où nous vous prions de laisser vos téléphones allumés. Le 9 février, vivez la musique à son meilleur avec le téléphone bien tempéré. Réservez votre place à la billetterie au 641-6040. C'est gratuit. Détails au palaismontcalm.ca. ce soir à CKRL. De 22h à minuit, c'est l'émission Fréquence, le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui, animé par François Thériault et Martin Anger. Et à minuit, c'est Federation Invasion, le dance hall new-yorkais au sommet. Bonne soirée sur le 89.1. Le 22 février à 20h, le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique percussive avec Scrap Arts Music. Assistez à une prestation spectaculaire et 100% écolo. Souvent comparé à Stomp, les 5 percussionnistes de Scrap Arts Music jouent avec des instruments de matériaux recyclés. Une performance percutante à ne pas manquer. Le 22 février, vivez la musique à son meilleur avec Scrap Arts Music. Détails au palaismontcalm.ca. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'Internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut se demander quoi de plus? Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Et voilà, il est un peu dépassé 18h. On fait fi de la ponctualité à l'aérospatiale. C'est la deuxième demi-heure de l'émission. Je l'ai gagné toujours avec vous, accompagné de Jacques Gignac à la mise en onde. Et on s'apprête à aller refaire un tour à vue et à la bande vidéo avec Fanny Hénon-Lévy. Bonjour. Salut Julie. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, très bien. Bon, mais on va parler de cette exposition à ne pas louper. Absolument pas loupé. Il reste une semaine. Il reste une semaine, exactement. Ça se termine le 10 février. Michael Floman est un artiste de Montréal qui a exposé un peu partout dans le monde, qui est collectionné un peu partout dans le monde. Il nous offre, il nous donne à voir une expo et un film à la bande vidéo, donc Gaze à la bande vidéo qui dure environ 6 minutes, qui est une immersion sonore et visuelle. Donc ça, je vous invite à aller la voir, qu'il a réalisé dans le cadre d'une résidence. D'une résidence, merci. D'une résidence à la bande vidéo et la nuit est ma chambre noire, qui peut vous donner aussi des informations sur le processus de son travail, mais surtout Nuit sauvage à vue, donc qui est spectaculaire, hein? Qui est quand même assez spectaculaire, qui offre 5 photogrammes qui sont assez monumentaux, fait réaliser pendant les quatre saisons. Donc pour faire l'histoire courte du photogramme, ce n'est pas de la photographie, mais c'est un travail qui est à partir d'un papier photographique, donc il vient littéralement imprimer, radiographier, j'ai envie de dire, radiographier. Bref, le verbe n'existe pas, on l'invente. La nature. Il va en pleine nature, en pleine forêt, comme je disais, imprimer, prendre l'empreinte de cette nature-là. Et il se passe des choses complètement magiques. Il travaille autant avec des petites bibites comme les lucioles, des herbes, du sable, l'eau. Il va jusqu'à immerger son papier photographique dans l'eau, laissant agir la magie de la lumière. Et de ces éléments-là, qui évidemment sont des éléments vivants, organiques, donc toute l'organicité et toute la force de la nature se retrouve littéralement imprimée dans ses œuvres, mais encore une fois, qui sont monumentales. Et en plus de ça, il rajoute, il vient travailler la photographie, vraiment comme une œuvre picturale. Oui. Et il travaille le papier lui-même. Il vient plier, travailler le papier exactement comme le papier a fait corps à corps avec la nature. Lui, il fait corps à corps à son tour avec le papier. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, c'est comme s'il essayait de pénétrer ce qu'il a déjà pénétré via ce médiateur qui est le papier. Donc là, il y a vraiment une démarche fascinante et le résultat est extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment une exposition que je vous invite à aller voir, des œuvres assez intemporelles aussi. On a beaucoup parlé d'abstraction. Moi, je trouve ça abstrait, mais ça me fait vraiment penser aux impressionnistes. Ouais, parce ouais, qu'on ouais. on est dans évidemment, c'est un jeu de mots avec l'impression papier, etc. Mais pas seulement. On est dans l'impression, le pointilliste, l'impressionniste, aller chercher l'impression beaucoup plus que le reflet parfait d'une réalité. Et là, on est littéralement là-dedans. Rentrer en contact. Mais en même temps, moi, je trouve qu'on l'a un peu, ce côté-là, reflet parfait de la réalité, parce que quand tu regardes les détails, la netteté, la finesse, la précision, tout ça, et pour moi, c'était vraiment très, très, très impressionnant. Là, tu sais, on peut vraiment regarder le tableau de loin, le tableau même, vois-tu, on parlait de caractère pictural, on peut regarder les images de loin, mais on peut vraiment s'approcher et comment dire, surfer du regard là, toute la composition. Oui, et à la fois, on ne sait pas ce qui se passe. T'as des matières, il y a des matières granuleuses, très fines, un travail de la lumière qui va pénétrer des choses qui sont complètement impalpables. Tu n'arrives pas à saisir ce qui se passe réellement. Oui, il y a des poissons, des feuilles qui de temps en temps se distinguent. Effectivement, on reconnaît la nature. Ça reste sur du papier photographique. Mais à la fois, comme tu dis, si tu t'éloignes, t'as quelque chose de complètement abstrait, mais impressionniste. Donc on est ouais. Et très contemporain. c'est fascinant comme travail. Je vous invite, comme je le disais au début, à aller voir. Vous pouvez vous le procurer également. Je pense à la bande vidéo, mais aussi à vue. La nuit est ma chambre noire. Je pense que la vidéo est aussi sur YouTube, qui donne tout le processus de Michael Floman, puis avec toute sa poésie aussi. On l'entend parler. Oui, il parle c'est ça. De il en fait travail. La narration. C'est ça. C'est quelqu'un de très poétique dans son approche, puis il nous recentre sur quelque chose d'essentiel, finalement, notre nature profonde. Oui, excuse-moi Fanny, j'ai comme eu, tu m'as regardé en voulant dire continue et moi j'ai bloqué, je t'ai regardé droit dans les yeux. Mais moi j'ai envie peut-être de revenir un instant sur, tu parlais du travail de pliage des photos. Moi ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué en fait, parce que quand je regardais de loin, je disais waouh, tu sais, vraiment une profondeur qui est assez impressionnante. Et quand je me suis approchée et que j'ai vu tout ce travail de pliage qui est vraiment fait en fonction des formes hein, mm-hmm. qu'il y a vraiment dans sa composition, ça vient ajouter une profondeur qui est très, très forte, mais aussi, je trouve, ça ajoute une matérialité à quelque chose qui est justement les éléments. Bon, il travaille l'eau, il travaille le sable, mais il travaille aussi la neige, il travaille la lumière, tout ça. Et là, soudainement, ça prend forme et il donne forme. Tout à fait. On parle de peinture, mais on peut parler de sculpture aussi. C'est présenté sous un immense plexiglas qui forme littéralement une forme. On n'est plus du tout dans un encadrement classique. Ça devient une forme à part entière. Et effectivement, il joue là-dessus. Il joue sur cet effet de matière. Mais la matière, elle est à tous les niveaux. Elle se retrouve autant dans son traitement du papier qui va quelque part maltraité. Ah oui, parce que des fois, c'est près de la déchirure. Ah hein? Oui, tout à fait. J'en ai parlé avec lui justement de ça, puis il m'a dit, regarde Fanny, j'ai tellement développé toute ma vie, c'est un des il fait du tirage photo, c'est un des meilleurs au monde. Puis il a un rapport au papier. Il m'a dit, je suis rendu tellement haut. Et c'était très humble de sa part. C'était pas du tout prétentieux. Il m'a dit, je suis rendu haut. J'ai tellement travaillé avec le papier qu'aujourd'hui, j'ai envie de défaire ça, de le maltraiter, de voir jusqu'où je peux l'amener. Jusqu'à quel point je peux amener, ce rapport avec le papier-là. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que finalement, une fois que t'as bien compris les processus, ben, tu peux les défaire. Mais il est je pense pas qu'il disait qu'il était rendu au bout de sa pratique. C'est pas ça. C'est vraiment son rapport au papier, le corps à corps dont je parlais. Ouais, une certaine sensualité aussi là. Vraiment. Je veux pas là. Ah oui. Puis y a, dans le vidéo, c'est pareil. On retrouve cette sensualité là. C'est très lent. C'est la musique est vraiment hypnotisante. Là, tu te retrouves devant une œuvre qui est la nordicité est au cœur de cette œuvre-là, puis t'as vraiment un rythme cardiaque très très lent, très comme je dis là. C'est envoûtant. C'est assez envoûtant, ouais. Eh ben Fanny, merci beaucoup. Merci à toi. Et nous, on se revoit dans plus ou moins un mois. Et comme Fanny vous le dit, là, c'est vraiment le temps parce que ça se termine le 10. C'est Michael Floman, Nuit sauvage et Gaze, respectivement à vue et à la bande vidéo. On s'en va en pause audio, on écoute un extrait de remix d'Éric Dorion. On vient d'entendre un extrait de l'album Kursk, la dernière mouture d'Éric Dorion. Éric Dorion, quand même, qu'on connaît assez bien à Québec. Et ici même, à l'aérospatiale, il avait fait des chroniques en radio l'an dernier. Non, il y a 2 ans, en fait, au tout début de ma propre version de l'aérospatiale. Je répète que vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement des albums, l'émission en balado, diffusion, des communiqués de presse et bien d'autres choses sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Voilà, je débaptise mon site Internet. Et vous savez, bon, le mois de février à Québec, c'est synonyme de mois multi. Et cette année, pour la première fois, la Galerie des arts visuels présente une exposition dans ce contexte-là, l'exposition de Gordon Monahan, Platinum Resonant Records. Et pour en discuter, Lisanne Nadeau, directrice à Galerie, bonjour. Bonsoir Julie, ça me fait plaisir de te revoir. Ben oui, ça faisait longtemps. Oui. J'ai été en pause pendant un certain temps. Pour de bonnes raisons. Oui, effectivement, la maternité est la meilleure raison du monde. Lisanne, dis-moi, cette année, c'est la première collaboration de la galerie avec le Mois Multi. Oui, on est très, très, très contents. Donc, lorsque Viviane Paradis, directrice artistique du Mois Multi, nous a interpellés, c'était tout naturel pour nous de dire oui. J'avais déjà travaillé avec Viviane, je connaissais son professionnalisme, donc ça a été une collaboration très très efficace, et les résultats sont au-delà de nos espérances. On a choisi le dossier de Gordon Monahan parce que pour toutes sortes de raisons. Je pense que par rapport à notre mandat, mais aussi aux caractéristiques du lieu, hein, la Galerie des Arts Visuels a son climat, sa couleur, avec sa blancheur. Ouais, c'est ça. Et ça donne une version de cette installation-là assez singulière, un côté... Il y a un étudiant qui me disait « Ah, il y a un côté virginal ». C'est sûr que c'est une installation in situ qui a été... Bon, Gordon, avant de parler de l'installation, on peut peut-être mentionner que c'est un des artistes les plus importants en art sonore au Canada, ouais. qui est aussi très reconnu à l'international. Il a vécu près de 14 ans à Berlin. Il a encore des contacts. D'ailleurs, cette installation-là a été présentée à Berlin l'automne dernier. Dans un tout autre espace, espace avec beaucoup de maçonnerie, un espace industriel. Ça l'amusait beaucoup, je pense, de présenter cette œuvre-là ailleurs. Donc, ce sont des disques d'aluminium suspendus. Liés évidemment à une banque de fichiers sonores et ce sont finalement des cordes qui résonnent et les disques d'aluminium qui résonnent parce que, bon, avec le logiciel Max, les vibrations sonores sont transmises dans ces objets qui ressemblent un petit peu à des soucoupes spatiales dans l'espace. Ouais, des vinyles, mais version soucoupe spatiale. Oui, on a toutes sortes d'évocations. Je pense que c'est une œuvre sonore et visuellement aussi, c'est très, très poétique, il y a quelque chose d'éthéré. Je pense que c'est agréable aussi de baigner dans cette atmosphère-là épurée. Je reprendrai le qualificatif de cette étudiante-là. Je pense que virginal, oui, ça fonctionne très bien. Et puis, il y a la dimension sonore. Je pense que l'art sonore s'appuie sur le contact avec des objets qu'on fait résonner, s'appuie avec, dans ce cas-ci, avec une prise en compte de l'espace. Donc, il y a 26 fichiers sonores. C'est assez intéressant. Moi, j'ai eu la chance d'écouter les fichiers originaux parce que c'est transformé, retransformé. Ben oui, c'est ça. Là, on n'entend pas le fichier directement. Si on se penche, on sent à un moment donné, ah, il y a comme une mélodie. Alors, il y a la musique du film Amarcord de Fellini. À côté, il y a une musique country. À côté, c'est Chopin. Bon, Gordon Monahan est un pianiste de formation. Alors, on ne s'étonne pas qu'il soit allé chercher. Donc, une oreille attentive peut voir toutes les différents fichiers qui vont évidemment tous être transmis à chacun des disques d'aluminium, mais à des moments différents. Donc, à un moment donné, ça crée comme un effet concert, si on veut. Chaque son se présente à des moments différents. Oui, puis ça, c'est accentué par notre propre mouvement aussi, là, dans l'espace de la galerie, qu'on circule, on entend comme... Oui, effectivement, si physiquement, c'est très, très... Finalement, l'art sonore, c'est très physique. Si on est dans un coin de l'espace, on va percevoir cette polyphonie-là d'une façon toute différente. Effectivement, t'as raison, Julie. Mais moi, ce que j'ai trouvé fascinant, en fait, dans l'exposition, c'est, bon, la grande simplicité, là. Tu sais, si on résume à l'essentiel, ce sont des disques suspendus à des cordes de piano. C'est très fin. Mais le mécanisme, le dispositif, lui, est quand même beaucoup plus pas impressionnant, mais plus complexe que ça peut paraître de prime abord. Oui, complexe, oui, peut-être pour nous. Pour Gordon, c'est très simple. Ouais. En fait, ce sont des fichiers sonores qui sont un petit peu transmis. Au lieu d'être des haut-parleurs, mais ce sont les cordes et les disques qui servent d'émetteurs. Puis il y a des petits moteurs qui font résonner, qui transmettent les ondes. Et puis selon Gordon, si on mettait les petits moteurs sur une table, par exemple, ou sur une caisse de résonance, on entendrait très, très bien les fichiers sonores. Et là, ils sont déconstruits parce que c'est une corde qui vibre et on la voit. Elle vibre vraiment finement et le disque d'aluminium transmet aussi le son. C'est un travail de déconstruction. Je pense que si on revient au parcours de Gordon Monahan, on peut encore plus peut-être saisir. Donc, un pianiste, un interprète de musique d'avant-garde, quelqu'un qui, à un moment donné, se donne la permission de jouer avec son instrument comme objet. Ensuite, il va utiliser plein d'objets de la vie quotidienne dans son travail, qui va faire intervenir des résidus industriels, des objets de tous les jours. Et même dans le cadre du mois multi, vendredi dernier, il faisait une performance. On a tellement ri. Il était très, très, très chic. Il faisait une performance sonore avec une tomate, une banane et de la choucroute qu'il a fallu aller acheter. Là. Puis là, il était très, très sérieux. Évidemment, il avait côté ironique puis s'amusait comme un petit garçon. Donc, il baigne dans l'univers sonore. Évidemment, bon, l'installation qu'on a à la galerie est très sobre, est très élégante, est très touchante, est très poétique. C'est quelqu'un qui aussi, parallèlement à ça, aime bien s'amuser, jouer avec les objets. C'est assez fascinant de voir tout son parcours d'un interprète de John Cage jusqu'à une installation à la Galerie des Arts Visuels. C'est un parcours fort intéressant. Parfois, ouais, qui va dans plusieurs directions oui, aussi. Là, autant le high-tech, le low-tech, oui. Tout ce qui est analogique, tout ce oui. qui est électronique aussi. Oui, là. Oui. C'est intéressant, Julie, que tu mentionnes le high-tech, le low-tech, la culture populaire, la culture. Bon, évidemment, j'évoquais Chopin tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui veut explorer, qui a une curiosité incroyable. Dans ce cas-ci, c'est un pianiste de formation qui nous arrive dans un champ qu'on accepte maintenant en art visuel qui s'appelle art sonore. Parfois, ce sont les artistes qui ont une formation en art visuel qui se dirigent vers l'art sonore. Et c'est intéressant de voir comment l'origine de tous ces créateurs donne des résultats qui nourrissent cette discipline-là, qui est nouvelle, qui nous interpelle beaucoup à la Galerie des Arts Visuels. On a un faible pour l'art sonore. On a déjà ouais, présenté. C'est vrai, c'est pas la première fois. Non, et puis l'exposition en avril aussi, ça va être Natalia Petkova qui travaille l'art sonore aussi. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, beaucoup à explorer, à questionner. Et pour la Galerie des Arts Visuels, bon, dans le communiqué, vous le dites, hein, dans le communiqué ou dans un article que j'ai lu, la galerie n'est pas juste un endroit isolé, elle est située dans un milieu de vie, tout la fabrique fait. Qui est quand tout même fait. On a la chance l'École des Arts oui. Visuels. Donc, c'est intéressant aussi pour vous de recevoir cet artiste-là, oui. de cette renommée-là, de cette importance-là, pouvoir le mettre en contact avec tout les à étudiants. Fait. Tout à fait, tout à fait. Ben, faut dire aussi que je travaille avec une équipe d'étudiants. Ils ont été fascinés de passer la semaine avec Gordon Monahan, qui est par ailleurs un homme extrêmement sympathique. Donc, cette dimension d'échange-là est très, très, très importante pour nous, que ce soit avec le public, mais aussi avec notre communauté immédiate, la communauté étudiante, là, c'est sûr et certain. Ouais. J'imagine que vous avez organisé un événement avec les étudiants ou... Évidemment, on a eu des rencontres informelles sans que ce soit des rencontres publiques. Et puis, pour le public, on avait une rencontre avec l'artiste comme on le fait toujours au moment du vernissage. Je pense que c'est des moments privilégiés où les gens se sentent à l'aise d'échanger, de poser des questions, là, tout juste avant le vernissage à 4h30. On se donne toujours ce moment-là d'une rencontre très, très intime, finalement, avec l'artiste. Et Lisanne, qu'est-ce qui s'en vient à la galerie après ça? Bande d'essai. On en a quand même jusqu'au 3 mars, là. Ouais. Banc d'essai en mars. Donc, vous savez qu'à chaque printemps, on invite un jury à se pencher sur des dossiers d'étudiants très jeunes, de deuxième année, mais à chaque année, je suis tellement surprise de la qualité des productions. Donc, cette année, on invite quatre jeunes artistes à nous présenter des œuvres dans la galerie, et on aura une surprise aussi, une intervention à l'extérieur. Alors, je n'en dis pas plus, ce sera une surprise pour le mois de mars. Comme on dit en radio, tu nous tends une carotte. Donc, je te tends une carotte. On nous fait attendre le mois de mars. Ben, Lisanne Nadeau, directrice à Galerie des Arts Visuels, merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Merci et à toi. L'exposition de Gordon Monahan, Platinum. Je sais pas pourquoi j'ai de la misère à dire je suis comme ça. Platinum Resonant Records. Je suis contente que ce soit pas moi qui le dise, que ce soit toi. Oui, c'est ça. Hein? Donc, je répète encore une fois, en essayant de ne pas bégayer, Platinum Resonant Records qui est présenté à Galerie des Arts Visuels jusqu'au 3 mars dans le cadre du mois multi. On retourne en pause audio, on écoute Bad Lieutenant Remix sur les ondes de CKRL. Voilà, c'était un dernier extrait de du dernier album d'Éric Dorion, Kursk, qui est diffusé sur l'étiquette Bandcamp. C'est déjà, l'émission tire pas mal à sa fin. Et cette semaine, on a quand même un gros calendrier, vous savez, avec le mois multi, mais également avec l'offre Carnaval. D'ailleurs, si vous risquez à aller jeter, à mettre un pied dehors par ces froides températures hivernales, vous pouvez vraiment aller sur la rue Saint-Joseph et faire le parcours qui est proposé par Exmuro avec son projet Zéro Degré. Donc, plusieurs œuvres faites de glace, de neige, un revers au carnaval, concours de sculpture du carnaval. Donc, c'est sur la rue Saint-Joseph, entre les deux églises, finalement. Cette semaine, c'est la fin de plusieurs expositions. En fait, Méduse termine ses expositions. France McNeil en Gramme, Isabelle Demers et Virginie Chrétien à l'œil de poisson. D'ailleurs, Virginie Chrétien fait une conférence dimanche prochain, le 10 février, à 13h, au sujet de son exposition. On l'a dit, les expositions de Michael Floman, également celle de Louis Perrault, sur la trace du renard à vue. Et également, l'exposition de John Boyle Singfield, dont on a parlé avec Anouk Deloge la semaine dernière, se termine. En fin de semaine, débute la nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts sur les plasticiens des années 50-60. Également, toute une série là d'événements dans le cadre du Mois Multi, notamment les cabarets audio Alexander McSween le 8 février à 23h. Le 9, on reçoit en fait Zoé par Chou avec Map Sonore Fast Foomf. Non, ça c'est pas les cabarets audio, vous m'excuserez, c'est un spectacle à la salle Multi le 6 février. Également dans spectacle au Mois Multi cette semaine, L'Enfant Lunaire de Daniel Danis, Tête à Tête de Stéphane Gladyskiewski, ou en tout cas je le débaptise, Gov Squad Kitchen de Gov Squad, Le Téléphone Bien Tempéré de Walter Boudreau et Yves Daou. Tout ça c'est dans le cadre, je le répète, du Mois Multi. Vous pouvez trouver les informations sur Mois Multi .org. Et voilà, l'émission tire à sa fin. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Je remercie mes invités, mes collaborateurs. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous laisse avec Gilles Chaumel et son émission Folk d'Amérique sur les ondes de CKRL.